On aime ça, les pendules. Pis surtout, lorsqu'elle nous montre qu'il est 19h09 et 37 secondes. Ça, c'est précise. Plus précise, là, c'est l'indécise. Ben non, on dit pas c'est précise, on dit c'est précis. C'est l'heure précise, mais tu donnes l'instant précis. Ouais, OK, en tout cas. Admettons. Encore et encore, replaçons les pendules à l'heure. Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Je l'aime, celle-là. C'est qui te l'a écrit, cette ligne-là? C'est pas Jean de la Pompaine. Oh, OK, alors on veut pas savoir. C'est mystérieux. On aime ça, le mystère, ici. Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Relatons la biographie d'une icône illustre du passé revisitée ici et maintenant. Ici et maintenant, c'est... comment que j'ai écrit ça? C'est Elliot Ness! Oh, monsieur, j'ai détruit son nom. Mais son nom d'origine, c'était Élie Chabot. Élie Chabot! Il restait où? Il restait à Beauport. Ça, c'est en banlieue de Québec. Pour les gens qui connaissent pas, là, Beauport, là, c'est beau, puis c'est un port. Ils ont appelé ça Beauport. Hey, ils sont creusés l'imaginaire. Ah, oui. Hey, là, ils se sont dit, on a trouvé le sentier... On va le nommer ainsi. Mais là, ben, il a eu raison, il a très raison. Là. Il a même, ça a resté dans l'histoire à Québec, hein. Lac Beauport, c'est Lac Beauport. Félix Leclerc, as-tu chanté le Lac Beauport? Non, lui, il a chanté l'île d'Orléans. Oh, mais pourquoi il a pas fait l'île de Beauport, c'est beau et propre? Ben, parce qu'il a jamais habité là, il pouvait pas le savoir. Oh, bonne question. Bonne réponse. Alors donc, Élie Chabot. Il est né en banlieue de Beauport, au lac Beauport. Moi, j'avais écrit Beauport, mais c'est le lac. C'est presque dans le lac. Mais il s'est agrippé aux roches, aux roseaux sauvages, qui étaient presque en feu, parce que des roseaux en feu, là, ça fait mal en quoi donc? En vlimeux. En vlimeux. Merci de me souffler. Vous êtes un souffleur? Je suis un souffleur essoufflé. Bon. Alors, calmez-vous un peu. Restez dans votre trou. Ben, c'est pas un trou, ça, là. C'est l'orifice du souffleur. Ben, restez dans l'orifice du souffleur. Pas l'orifice du souffleur. L'orifice du souffleur. Ben, l'orifice du souffleur. Bah, Dieu Seigneur. Si vous mangez du souffleur, faites-le bouillir, hein. C'est bien meilleur. Surtout, ça reste pas, il est coincé dans le gorgotte. Non, c'est la gorgotte, hein. Puis là, quand tu veux émaner un mot, lorsque t'as un chou-fleur coincé dans la gorgotte, qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme tu l'as dit tout à l'heure, là, Julien Clerc. Lui, il doit avoir tout le temps quelque chose de bloqué, là. Alors donc, Élie Chabot, on va revenir à Élie parce que c'est lui qui nous intéresse. Non, c'est pas Élie, c'est Élie. Ben oui, Élie, c'est lui qui nous intéresse. Lui, au lac Beauport, là, il brossait de grosses affaires. Oh, monsieur, quelle affaire? Ah, de la grosse, là, de la 250 livres ou du 250 livres divisé par deux, ça veut dire 125, du 125 kilos et plus. Oh! T'as fait ça vite. Alors, moi, je coupe ça en deux. Je peux pas prendre mon cellulaire puis faire la conversion parce que mon cellulaire fait la conversion. Voulez-vous qu'on le fasse? Ben là, on n'a pas le temps. Là. Ben oui, on va le prendre. Attendez, là. Hey, on est branché sur Internet et ça va nous coûter déjà 25$ juste pour avoir ouvert ce maudit cellulaire-là. Alors, c'est conversion. Outil, conversion. Con. Comment ça s'écrit, Renal, quand je fais con? OK, convertisseur. Devise, longueur, le poids en kilos et puis en livres. OK, j'ai dit 300 livres. Est-ce que j'ai dit 300 livres? Bon, on va dire 300 livres. 350 livres. Tiens, on va se mettre ça plus difficile. Alors, c'est 158 kilos. Hey, t'es un rapide. Moi là, toute la technologie, là, amène-moi ça ici. Je peux te répondre ça rapide. Je peux te réparer n'importe quelle technologie en direct sans aucun problème. Mais t'as de la misère à faire la mise en onde, mais t'es capable de programmer le 158 kilos en livres. Ben oui. Ah, mais ça, c'est le truchement de mon imaginaire. Moi-même, je me déjoue là-dedans. Ben oui, tu déjoues même ton public. Ah, mon public est dans un marasme complet. Il se cache dans les water closets depuis 16 heures. Il se dit, jusqu'où il va se rendre, ce gars-là? C'est qui, ce gars-là? Ben, c'est toi! C'est qui, moi? Ben, c'est toi! Nomme-toi, je vais te nommer! Ah, ben, moi, c'est Élie Chabot! Ben non, c'est pas Élie Chabot, c'est ton personnage de la biographie d'une icône! OK. Ben, moi, c'est Rénal Gagné. Enchanté, mon Rénal Gagné! Élie Chabot, lui, il était au lac Beauport! Et puis, il a commencé comme... il brassait des grosses affaires, hein, dans la mafiosie, puis c'était déjà un détective extrêmement privé. Comment ça? Personne ne savait qu'il était détective. Ben, personne n'en a, c'est ça, exactement. Il était tellement privé qu'à un moment donné, il a dit, faut bien que je me monte au grand jour, hein, que je suis sur des grosses affaires. Oh, mon Dieu, pas sa femme, non, non. Non, ouais, ça, c'est une trop grosse affaire, là. On a même pas pu y faire le tour. C'est de là que Gainsbourg a écrit Les Popodames. Oh, mon Dieu, c'est une belle chanson, ça. Ah, ouais, ouais. Peux-tu nous la fredonner? Ben, non. Non, on n'a pas les musiciens, puis en plus, ils sont partis. Il y en a deux qui sont tombés dans le punch. on leur a dit, mets un couvercle sur le punch. Tu sais que les musiciens, les créateurs, les littéraires, tout le monde qui sont dans le milieu de la création, ben c'est ça, les créateurs, oui, ils sont très forts sur le punch. Oh, les gens de radio, ah non, non, ouais, les gens de radio, là, c'est le gorgeon à l'eau digitale, pas de l'eau digitale, ah oui, oui. De l'eau digitale, et puis en plus, hein, ils prennent pas n'importe quoi. Avant ça, ils goûtent avec le doigt. C'est de là que vient l'eau digitale, hein. À force de tremper le doigt dans l'eau, c'est... Oh, ça reste les empreintes. Les empreintes restent. Les empreintes restent, alors donc, ils peuvent commettre aucune anomalie, hein, judiciaire, parce que sinon, la police va vérifier l'eau, hein. C'est qui a trempé l'eau dans le doigt dans l'eau? Oh, ça... Oh, oui, oui, on voit les empreintes digitales de M. Renald Grenier. Ben, c'est pas moi ça, c'est moi, c'est Renald Gagné. Non, non, Gagné, Grenier, c'est la même chose. On tourne. Ah, oui, oui. G.A. Bougez pas vos cartes, vous, là. G.A. G31. Oh! B33. Non, B quoi? B33. B33. Je connais pas ça, B33, moi. Bon, d'où j'ai pas la carte, B33, moi j'ai B8, B7, B12, B33, je vois ça. Ben non, c'est pas B33, c'est B33! Ça, là, une prothèse, ça se met à l'endroit, pas à l'envers, OK? Tes chiffres, là, dis-les dans le sens du monde. Ben, je suis pas du monde, moi. Ah, ça, tout le monde le sait, là. Alors, Élie Chabot, alias Elliot Ness, lui, il a commencé tranquillement, très tranquillement. Ah, il marchait, là, à 2 km/h, puis c'était pas l'homme de 6 millions, là. Ah, mon Dieu. C'était l'homme de pas assez de millions. Puis là, à un moment donné, on lui a donné un petit peu d'argent. Hein? Il va courir plus vite. Comme un lévrier, tu sais, devant un appât, là, quand tu mets quelque chose d'intéressant, il va courir après. Il va courir. Il se fatiguera jamais. Parce qu'on sait que le Québécois, comme n'importe quel genre humain, ça marche sur l'argent. Là, c'est plus la croix qui mène, c'est le dollar. Quand t'as un dollar au bout, tu vas courir, tu vas l'avoir ton dollar. Hey, tu vois un 5$ à terre, tu vas te pencher, tu trouves même une scène noire. Ah, moi, je me penche pas en bas de 5$ parce que ça fait mal, hein. Il y a des quartiers où tu peux pas te pencher. Parce que si tu te... Il y a quelqu'un derrière toi qui... T'es long, là, mon Dieu, la lunette. Ben, voyons. Mais Élie Chabot, hein, j'entends des rires. Est-ce que c'est normal, docteur? Ah, oh, non, encore une petite bâtleur. Attention, tout le monde entend. Élie Chabot, alias Elliot Ness, qui a commencé au lac, arrête de dire ça, puis il fallait agiter, il s'est agité, puis il est parti à travers son lac Beauport pour atteindre, comment t'appelles ça, donc, voyons, comment il s'appelle, Miosec, là, il est né à, je sais pas, à Reims, lui, il se l'est rincé trop longtemps, comment que, aidez-moi, Brest! Il est arrivé à Brest! Puis là, à Brest, il s'est dit, voyons donc, c'est pas ma place. Là, il est reparti en nage de Brest à New York. Puis là, il a dit, hey, New York, là. Il s'est fait cueillir par Frank Sinatra, qui était déjà sur le bord de l'eau parce qu'il avait déjà pris trop de tasses. De tasses d'eau. Ah, mon Dieu, il était rendu à sa sixième tasse. Comment? À sa sixième tasse. Parce que là, il faudrait que... Une chose que je dois apprendre à un moment donné dans ma vie, c'est, je sais que ça vous intéresse, madame, mademoiselle, et surtout messieurs, c'est d'avaler ma salive, parce qu'à un moment donné, il y a un trop-plein de salive. Oh, bon, ça intéresse le monde, ça, là. Je sens que ils sont devant leur radio puis ils disent « Oh, on a appris quelque chose d'extrêmement important qui va nous faire évoluer jusqu'à la fin de 2010 avec lui, là. C'est, il se cache pas. Il se dévoile au grand jour. C'est un insignifiant. Bon, » peut-être, oui. Alors donc, il est arrivé à New York, hein. Mon Frank était couché au bord de la rivière avec son dernier drink à l'eau. Allô, mais allô pollué, puis ça fait mal de l'eau polluée. Puis là, il était en train de chanter étranger dans la nuit, qui es-tu étranger? C'est un francophone. Non, mais parce qu'à un moment donné, lui, à certaines heures, il change son langage. Il s'imagine chanter en anglais, mais c'est du français. Ah ben voyons, toi. Ça vient de, comment t'appelles ça, la flamme en haut, là, du Saint-Esprit. Prier pour Louise. Alors donc, Ellie a nagé, puis là, mon Frank a dit, « Hey, Elliot, how are you doing? How are you? » Fait que là, Elliot parlait un anglais, mais assez approximatif. Il dit, « Un Big Mac, please. » Puis là, il dit, « Oh, un moulet de clown! » Ça, c'est Frank qui a dit ça, un moulet de clown. C'est vraiment très drôle, mon Frankie, là. Et l'autre, Ellie, dit, « Voyons, non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Non, Arnold, Ellie, and Elliot! » Oh, il dit, « OK, Elliot, thank you, my Elliot. » Ah ouais, là, le Frank, il dit, « Elliot, nice! » Oh, mon Dieu, y a-tu de la mayonnaise quelque part? Parce que lui, il savait que tout dans la cuisine contemporaine, tout ce qui compte, c'est de réussir sa... Son Elliot Ness, non, c'est sa mayonnaise. Ah, c'est vrai. Sans mayonnaise, la vie ne peut exister. Ce n'est qu'un soubresaut et qu'un lugubre passage vers l'existence si tu ne réussis pas un jour dans ta vie la mayonnaise. En 2001, c'est quoi la recette de la mayonnaise? Ah là, on peut pas la... C'est secret. C'est secret, puis c'est le dosage. Alors Elliot Ness, tranquillement, il s'est lancé dans la vente, bien sûr, secrète de la mayonnaise. Et 100 mètres de vinaigre, il rajoutait, lui... On va vous le dire, parce que vous êtes des auditeurs fidèles, un zeste de citron. Rester là, va-t'en. tu pourras m'appeler. Live. Comment? Live. Live. Live. Oh, c'est de l'anglais? Oui. l'anglicisme, en concert. Alors là, l'heure a maintenant sonné. Devenons pour l'instant d'un numéro d'improvisation un fil Ariane. C'est, je sais que ça revient Ariane, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis pas original, moi. Non, t'es pas original, toi. T'es orignal. Oui, orignal Boislaire. Alors, un fil Ariane entre l'esprit d'un animal. Oh, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, un esprit. Ok. Un fil Ariane entre l'esprit d'un animal, un artiste ou tout autre spectre qui passa sur cette sphère, ce macrocosme que l'on nomme la Terre. Je comprends pas le but du concept. Ben oui. Là, je vais tourner la feuille ici, là, et je vais lire la personne ou l'animal dans lequel je me transformerai pour le laisser parler. Oh, ok. Ben là, ici, c'est écrit un poisson rouge. Mais ça parle quoi? Comment le poisson rouge? Ça parle pas, ça fait... Ok, mais là, on va traduire parce qu'il y a très peu de personnes qui ont le décodeur de poisson rouge. Mireille est déjà partie. Ben oui, mais elle était là, comment ça, à claquer à la porte? Ben, parce qu'elle savait que c'était à elle que ça s'adressait, puis elle voulait pas parler devant le micro. Elle est timide, la petite. Ben, petite, six pieds, comment donc, 6 pieds et 3, aussi grande que... Tu peux bien dormir tranquille, Et ça, là, c'est un silence de mort. C'est comme le poisson rouge que je sens entrer en moi. Donc, j'utiliserai... Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Hey, attends un petit peu, toi. J'utiliserai... Oh, c'est beau. J'utiliserai la voix d'un francophone. Oh. C'est pas une bonne idée, là. Comment ça? Tu penses-tu que le poisson parle l'anglophone? Non, c'est vrai. Le dialecte québécois, le poisson rouge, c'est le dialecte québécois parce que ça s'en souvient plus après 10 secondes. Comment ça, qu'est-ce que je disais, donc? Ben, je sais pas, qu'est-ce que tu disais, moi. Hey, on dirait que le poisson rouge est rentré en moi. C'est pas compliqué, toi, de faire le poisson rouge. Ah, non, moi, là, mon appartement, c'est aussi gros qu'un bocal. Oh, OK. Moi qui suis bancal. Oh, tu es bancal dans ton bocal. Je suis très bancal dans mon bocal. Et lorsque ma maîtresse, parce que on m'a acheté dans un jardin zoologique. Ben, voyons, dans les poissons zoologiques. T'es un poisson zoologique? Non. Rouge. Je vois rouge. Tu vois rouge. Et mes maîtres se sont mis dans le rouge. Ah oui! Leur compte de banque est dans le rouge. Comment ça? Je ne suis pas abordable. Pas abordable? Comment? T'as dit pas abordable? Je me rappelle plus, moi. Comment ça? Ben, j'ai 10 secondes de mémoire. Oh! OK! Hey, ça fait des belles entrevues. Entrevues? Ben là, t'es à radio. À radio. Ben, voyons donc! Es-tu conscient? Ben, j'ai 10 secondes de mémoire. Oh, mon Dieu! Ouais, ça fait que si je veux poser une question à un poisson rouge, est-ce que j'ai le droit? Ben oui, t'as le droit. Ben écoute, offre-toi ce doigt-là. Lequel doigt? Prends pas le doigt, mais prends le droit. Le droit chemin vers les doigts digitales, comme l'eau digitale. Oui, monsieur. Alors, poisson rouge, oui. Comment ça tu te souviens que t'es un poisson rouge? Ben, parce que, regarde, j'ai laissé la note ici, poisson rouge, devant moi. Oh, le poisson rouge sait lire. Tous les poissons savent lire. Oh, ceux qui ne savent pas lire, c'est des brochets. OK, les brochets, c'est des poissons. Pas du tout. Informez-vous auprès des poissonniers, là, le brochet, c'est pas un poisson. Ben, voyons donc. Quand tu dis au monde t'es un brochet... Oh. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un brochet, c'est un insignifiant, c'est un moins que rien, c'est un perdu dans l'espace. Oh, perdu dans l'espace comme des poissons. Ben, j'ai jamais vu de poisson dans l'espace, quoique quand tu te couches... Attends un petit peu, mon petit champion. Oui, c'est moi, ça. Ouais, oui. Un poisson rouge qui te parle, c'est rare. Ouais, c'est vrai. Et puis surtout, un animateur qui parle, c'est pas rare. C'est pas rare, mais qui parle pour rien dire. C'est pas rare non plus, surtout dans à mon émission. Ah, t'as raison. Mais là, quand tu te couches sur le dos, oh, comme le chien. Ben là, n'importe quel animal, là, l'humain, OK. L'humain avec 10 doigts. Alors, l'humain digital. Lâche le digital, toi, là, là. Paquetville, paquetville, tu peux bien dormir tranquille. Paquetville, paquetville, tu peux bien dormir tranquille. Wouhou! Swing le baguette, j'en fonds de boîte à bois. Roule la baleine et roule la dos. Ouais! Et ça, vas-y, bien, les hommes. Oh! Bon, bon, bon, tu peux bien dormir tranquille. Arrête la pitoche. Oh! Paquetville. Tu peux bien dormir. Hey, hein? C'est... Ça fait du bien aux aisselles. Qu'est-ce qu'on disait, donc? Eh bien, là, le poisson rouge, je ne me souviens plus de ce qu'on disait. Oh, oui, le bocal, t'es couché à terre. Mais pas avec le bocal, sinon ça te dégouline dessus. Eh, hey, c'est vrai. C'est comme le bunge. Véro, tu vas te rendre. Tu te rendras jamais à 6 heures du matin, toi? Ben oui. Ben oui, il y a de la musique, il y a des bruits de ruisseaux. J'ai enregistré 2h30 de bruits de ruisseaux, ça repose. Ben voyons donc, tu veux perdre ton public? J'en ai pas de public, ben voyons donc! Tu sais pas ça? Tu te fais du mal! Oh, ça m'en prend plus que ça. Mais là, là, quand tu te couches sur le dos, OK, comme le brochet. Un brochet sur le dos, il est mort, oui. Il est mort ou il est pas fort, là. Eh, mais surtout quand il boit de l'eau. Il boit de l'eau, holy! Je bois au lait de l'eau! J'ai plus de voix. De l'eau, est-ce que les gens pourraient m'amener des pastilles? De l'eau, des pastilles fortes, hein? Des pastillisées. C'est quoi dans le. De Ricard? Le Ricard, c'est. Comment t'as. Ils mettent quoi, là? C'est de l'anis. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Eh, monsieur. Alors, donc, t'es couché sur le dos, comme un brochet, presque vivant, qui régurgite son 3 heures. C'est pas 4 heures, lui. Non, c'est aux 3 heures. Aux 3 heures, il se demande pourquoi je suis là, pourquoi je suis là, pourquoi il est là. Mais parce que c'est un brochet. C'est un insignifiant qui s'imagine que c'est un poisson, mais pour rentrer dans la hiérarchie poissonnière... Et monsieur, ça c'est un méchant poisson. Faut falloir nettoyer la devanture de ce beau studio, parce qu'après, là... Ah, ben là... Fais-toi-en pas, j'ai amené la mop! Veux-tu commencer? On va commencer direct là! Comment ça? Directement là! Où ça? Sur le plancher! OK. Alors là, on est couché! On n'est pas couché, là! Quand 19h39, ça me donne pas le goût de me coucher, moi! T'es-tu méchant? Non, parce que tu te fatigues toi-même en voulant dire de la vérité, puis là, les gens sont pas là pour t'écouter, ils sont là pour savoir la fin de ton histoire. T'es comme le brochet couché sur le gazon! Ouais, mais là, le brochet couché sur le gazon, quand il n'y a pas d'eau, hein? C'est quoi ça? C'est les ouailles. il va mourir. Lui, il n'aime pas l'oxygène. Ah, ben là. Comme disait Diane Dufresne, donne-lui de l'oxygène, il va mourir. Mais en tout cas, t'es pas un brochet, t'es couché sur le dos. Oui. Et là, tu vois, c'est l'après-midi, hein? C'est où le soir? Mais le soir, il faut que ça soit éclairé parce qu'il faut voir les nuages. Oh, c'est une question de nuages. C'est une question de nuages. Pas de nuages, pas d'histoire. Bon, ben là, il n'y en a pas de nuages. Il n'y a pas d'histoire. Bon! Il n'y a pas de continuité. Il y en a une. Fatigue-toi pas, rendors-toi. Bon, fais comme d'habitude. Fais comme le citoyen qui va voter. On peut pas dire qui. Mais un petit frisoté. Frisotine Charest. Bon, en tout cas, fais ton frisotine Charest, là. Puis, bon, là, il était couché sur le dos. Hey, on le sait, tout le monde est couché sur le dos, là, avec toi. Paquetville, tu peux bien dormir tranquille. Paquetville, Paquetville, tu peux bien dormir tranquille. Couché sur le dos. Et là, tu regardes les nuages et tu vois passer plein de drôles de personnages, hein, des messieurs avec des gros nez. Puis à un moment donné, il y a comme une nageoire, c'est un poisson qui passe. Là, pourquoi tu dis ça? Ben, parce que c'est des poissons qui passent. Et quand ça passe, ben, ça repasse plus, c'est une fouet. Alors, peux-tu prendre des photos? As-tu amené ta caméra? Non, mais j'ai l'imaginaire, passablement, qui capte jusqu'à la fin de mes jours. Ouais, mais là, comment tu veux raconter ça aux gens? Ben, je vais tout leur dire au niveau du prémisme. Comment ça, du prémisme? Ben oui, le brochet couché sur le dos, paquet de ville. Ah, mon Dieu, les gens suivront pas ça. Ah. Mais moi, je fais ça d'une manière singulière, hein, à un seul individu, donc j'ai un public. Puis ce public-là, je l'enchaîne. Oh! C'est de la blague sado-maso. C'est très sado. Puis ils aiment ça, ils en redemandent. Hein? Oh, mon Dieu. Hey, c'est comme la même chose que ce qu'on va entendre par la suite. Eh, monsieur. Qu'est-ce que tu veux dire concrètement? Il y a pas de concret là-dedans, mais... Un jour dans ma vie, j'ai croisé Rosaire de Rouet, puis il était au Marie-Antoinette, qui était un restaurant à Québec. Ben, il y avait plusieurs restaurants. Mais là, c'est une captation de l'intégralité. C'est pas vrai, on va pas entendre ça. Ben voyons, hey, on va se mettre dans l'ambiance, pourquoi pas? Ah ouais, mon Rosaire, comment ça va? Hey, il va nous faire swinger ça le temps des fêtes, il connaît ça. Coconut, the woman is calling out, and every day you're gonna hear her shout. Coconut, the woman is calling out, and every day you're gonna hear her shout. Each give a gun out of water, and it's good for your daughter. Coconut, a lot of iron, make you feel like a lion. Oh, well, he told me the other day, nobody can divide sweet man away. I used to wonder when he needs to be, she said, you know, the woman in Ryan Street. You could be picking the pot, you could be picking very hot. Coconut, a lot of iron, make you feel like a lion. Coconut, the woman is got enough, and every day you're gonna hear her shout. Coconut, the woman is got enough, and every day you're gonna hear her shout. You could be picking out of water. Just for your daughter, coconut, a lot of iron, make you feel like a lion. Coconut, the woman say you agree, coconut to make very nice candy. Nothing that messy do feeling lonely, coconut to wet a little, make you feel very gypsy, make you feel like a gypsy. Coconut, a lot of iron, make you feel like a lion. Coconut, a woman is got enough, and every day you're gonna hear her shout. Coconut, a woman is got enough, and every day you're gonna hear her shout. Needs a coconut of water, and it's good for your daughter. Coconut, a lot of iron, make you feel like a lion. Whoa! Matilda, Matilda, she's a mama, and I'm finishing with all my song. Matilda, Matilda, she took my mother and run, finished with a $500 ring I love. One baby sells me cat and horse. Matilda, she took my money and run, finished with a whoa! Matilda, Matilda, Matilda, she took my mother and run, finished with a whoa! Matilda, Matilda, Matilda, she took my mother and run, finished with a well. Monday was in my head, in the field looking at my head. Matilda, she took my mother and run, finished with a awesome. Matilda, Matilda, Matilda, she took my mother and run, finished with a whoa. Don Juan Matona, you live with her. Don Juan Matona, me do the hard work and the hard. Don Juan Matona. Comme du rhum à ton nom, mais tu verras encore, tu t'aimeras. Il y a des filles sur le port, si belles et si gentilles, tout sourire dehors, sans avant la vanille. Mais ton homme n'est pas de bois, il est regard d'un œil tendre. Si tu veux le garder pour toi, donne-donne lui sans attendre. Comme à ton nom, tu t'aimeras. Donne du rhum à ton homme, mais tu verras comme il t'aimera. Il te donnera des bijoux, des colliers qui scintillent, qu'il apporte du bureau, de Cuba, des Antilles. Mais pour se donner de l'amour, il se repose du voyage, avant de lui offrir un contour. Et puis on compose, rhum à ton homme, il mérite à la. Donne du rhum à ton homme, mais tu verras comme il t'aimera. Plus fort! Donne du rhum à ton âme, mais tu verras qu'on t'aimera. Donne du rhum à ton âme, donne du rhum à ton âme. Donne du rhum à ton âme, mais tu verras qu'on t'aimera. Oh! Une belle petite chanson qui est très populaire. Tout le monde sait ça. Les cœurs. Des musiciens, des gars au bout, se sont joints à moi pour l'enregistrement de ce long jeu. Oui, c'est vrai, c'est des gars au bout. À la base, c'est Gilles Pouliot. À la batterie, Vincent Marchessault. Oh, ok, on y va avec. Aquarius and let the sun shine in. Les cœurs. Non, je sais pas. When the moon is in the seventh house and Jupiter will unweed Mars, then peace will guide their plots. Their love will steal his stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius. Aquarius, Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding. No more falsehood or derision. Golden living dreams of vision. Mr. Crystal revelation. And your mind to liberation. Aquaria. And Jupiter aligns with Mars, then bees will guide their planets, their love with steel and stars. This is the dying age of Aquaria, age of Aquaria. Avec une belle chanson moyenne. Tiny bubble in the wine, make me feel fine. Tiny bubble, make me warm all over. Feeling glad I'm gonna love you till the end of time. So here to the golden moon, so here to the silver sea. And mostly here it does to you and me. Tiny bubble in the water, make me happy, make me feel fine. Silver sea, and mostly here to us, to you. make me feel fine. Tiny bubbles make me warm all over, feeling that I'm gonna love you till the end of time. Chanson de Reggiani, c'est sur le même rythme ou à peu près. Pour l'instant, on prend notre souffle. Il suffirait de presque rien. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moi pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'amener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma? Fillette, allons, regarde-moi, et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit? Moi-même ferai semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien. Personne voyant, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, mais si jamais comme toi 20 ans, je te gourdirai de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire. Je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie de demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'amènera à Saint-Germain d'offrir le premier café crème. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moi pour que je te dise je t'aime. Quelqu'un me demande un incendiario. Ah, les pompiers. En pleine nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers. Wow. Et tout Rio qui se réveille voit brûler l'usine de café. Il n'y a pas de temps à perdre, et dans le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on fait des tuyaux? Les lancer la grande échelle. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Pas de panique, tu nous les faut. Mais la balle, le son du ferrage, des gilets gris noirs de fumée, et tous les gens dans les étages se disent, mais que font les pompiers? Il n'y a pas de temps à perdre, et donc le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. danser la grande chaîne. Wow! Qu'est-ce qu'on en fait des cul? Pas de panique, tu joues les temps. Au petit matin, on le devine. Le quartier a très brûlé. Il ne restait plus que des ruines. Sur des centaines de mètres carrés. Quand tout à coup dans le jour blême, on vit arriver un pompier. Qui s'écria, c'était la porte du capitaine. Vous n'y allez pas vous énerver. On a trouvé les tuyaux. Les lancer la grande échelle. Mais on est en face de l'eau. Et on cherche la manivelle. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. KRL, cultive tes goûts. Une chanson de Félix Leclerc. Une chanson de Félix Leclerc, c'est Bozo. Dans un marais de gens mondains, il y avait un vieux château au long rideau dans l'eau. Dans le château, il y avait Bozo, le fils du matelot, maître séant de ce palais branlant. Par le hublot de son château, Bozo voyait entrer ses invités, voudrait de vieilles rosses traînant carrosse, et la fée Carabosse, tout s'y était, moins celle qu'il voulait. Vous devinez que cette histoire est triste à voir, puisque Bozo, le fou du lieu, est amoureux. Celle qu'il aime n'est pas venue, c'est tout entendu. Mais comprenez ça, elle n'existe pas. Ni de château au long rideau dans l'eau. Des musiciens vêtus de lin très fin. Bien que Bozo vêtu de peau, le fils du matelot qui joue dans l'eau avec un vieux radeau. Si vous passez par ce pays la nuit, y a un fanal comme un signal ouvert. Entrez chanter, s'enlacer afin de consoler pauvre Bozo pleurant sur son radeau. Pas venu, c'est tout entendu. jamais comprenez ça, elle n'existe pas. Ni de château, l'orido, dans l'eau. Les musiciens vêtus de lin, très fin. Et Jacopo Rousseau, vêtu de peau, le fils du matelot, qui joue dans l'eau, avec un vieux radeau. Si vous passez par ce pays la nuit, il y a un fanal comme un signal de balle. Entrez chanter, bras enlacés, afin de consoler pauvre Pozo, pleurant sur son radeau. Pauvre Pozo, pleurant sur son radeau. Merci. Vous êtes prêts, les gars? Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Hallelujah, sister Ellen, to free me sin. rock and roll for the soul. Hallelujah. Rock and roll for the soul. Hallelujah. What's going on? On va prendre notre souffle. On prend notre souffle avec Moustaki, c'est le Métèque. Avec ma gueule de Métèque, je suis faire en pâte grecque et mes cheveux quatre mains. Avec mes yeux de la veine, qui me donne l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui ont embrassé et rendu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâte grecque, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tout ce qui portait jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire l'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut, pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâte grecque, et mes cheveux quatre mains. Je viendrai ma douce capille, mon âme sale, ma sourcerie, je viendrai voir tes 20 ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour de toute éternité d'amour, que nous vivrons en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour. Que nous vivrons en mourir. Merci. Quelle autre chanson rythmée? Texte le corps. Il me reste quelque chose dans le frigidaire. Prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais il y a quelque chose qui me dit un bon matin. Ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain. Ouais. Toi qui mets les baisers, les deux sélections, même la faire du honte. Tu seul dans des millions, je suis sur les autobus. Et j'en me parle pas plus que si j'ai peur. Je pars du resto, quelque chose à le frigidaire. Prendrai le micro, je ferai ma gueule, puis je laisse faire. Mais y'a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain. Bonne chance qu'à toi qui m'aime, assez pour m'endurer. C'est comme prendre le temps. Quand je volais des canettes, je me considère loqué d'avoir ma rosée. cinéphile. Je suis top frais, j'ai envie, chez une bande inconnue. Rosalie, t'es tranquille, et tu chantes même plus. Je travaille pour pas grand chose, on vieillit comme nous. Ton seul mot près de vous, c'est l'aile du facteur. Par qui me reste quelque chose d'originaire. Prendrai le métro, je mènerai ma gueule, si je laisse faire. Derrière quelque chose qui dit un bon matin. À Rosalie, on s'en tournera d'où c'est qu'on vient. Ouais. La la la la. Mais y'a quelque chose qui me dit qu'un bon matin. Ma Rosalie, on s'en retournera du secondien. Ok, une autre chanson rythmée, ça s'appelle, oui, promis, Michael. Ensemble. Non, c'est pas les cœurs. Elle s'appelle Michael. Elle est très charmante et très belle. Elle n'est surtout pas trop rebelle. Malgré ses ailes de trajet. Oh, oh, Michael. Encadrant son visage, un nez, une bouche sensuelle, sans compter ce que cache son corsage, on reconnaît la belle Michael. Wow! Michael, appelée Michael, elle est très charmante et très belle, elle est surtout pas trop belle, malgré ses airs de demoiselle. Oh, ensemble. Oh, plus fort. Oh, en passant dans la rue le dimanche, pour se rendre avec un choix au ciné, en voyant la cadence de ses hanches, tout le monde se retourne. Oh, elle est très charmante et très belle. Elle n'est surtout pas trop rebelle. Malgré ses airs de demoiselle. Oh, plus fort. Oh, vous qui avez le cœur en chômage. Le cœur généreux, elle soulage les chagrins et les peines. Elle s'appelait Michael. Elle est très charmante et très belle. Elle est sûre de pas trop mal, malgré ses ailes de rappel. Oh, Michael. Oh, Michael. Oh, Michael. Oh, oh, Michael. Oh. Un petit bico avant, juste parce que ça prend plus qu'une chanson pour prendre mon souffle. Un petit bico, c'est le... On prend toujours un train pour quelque part. On prend le train ensemble. Ok. Ils sont voix. Un grand tremblant, un grand tremblant.